andiamo di qua a casa, andarete para tu casa. Bonjour et bienvenue à Viva Sandino. Salutations toute particulière à mes amis canadiens en ce premier lundi du mois de septembre. C'est congé jour du travail, donc reposez-vous bien. Mardi, les gens reprennent le collier, c'est parfois difficile. Donc, salut à vous. Je devais vous parler de Miss Gay Estélie 2007 cette semaine, un concours style Miss Univers, mais pour les homosexuels et drag queens d'ici. Mais les prêtres évangélistes en ont décidé autrement, ils ont empêché la tenue de l'événement. Pas très surprenant parce que le mouvement en provenance des États-Unis est très fort au Nicaragua. On voit souvent là, des Américains sur les bancs des églises locales qui tentent de convertir les Nicaraguayens déjà très catholiques. Là. Juste sur la rue perpendiculaire à la mienne, il y a deux églises pentecôtistes. J'entends leur chant là, de ma cour intérieure. Donc, Miss Estélie n'a pas eu lieu et mon coiffeur Arling, qui devait participer, devra se rendre en octobre à Ocotal, une ville voisine où se déroulera l'événement. Je lui ai promis d'y être et de vous en parler plus longuement, question de peut-être brosser un tableau de la situation des homosexuels au Nicaragua. Cette semaine s'annonce par contre périlleuse. L'ouragan Félix de catégorie 5 doit frapper le nord du Nicaragua mardi. Il faut donc que je m'attende à des pluies torrentielles. Sans plus, n'ayez crainte, là, mais quand il pleut ici, ça bouleverse une journée. Je me suis fait prendre là à deux reprises enfermée dans le café Moka Nana, là, dont je vous parlais la semaine dernière. Les suis sur une rue où, quand la pluie tombe, une mare d'eau s'accumule jusqu'aux genoux. Et les voitures qui passent font des vagues qui rentrent dans les commerces. La vie s'arrête une heure, le temps que l'eau ruisselle dans les égouts et s'évapore. Mais bon, qui dit saison des pluies, dit saison des moustiques. Je n'ai plus à avoir peur du dengue, mais j'ai bien envie de me passer de leur bourdonnement et de leur piqûre la nuit. J'ai décidé d'acheter un moustiquaire pour mon lit et ça a été toute une aventure, mes amis. Parce qu'ici, le commerce au détail, c'est bien segmenté. Il faut souvent faire plusieurs magasins avant de trouver là, tout ce qu'il vous faut. Au Canada, où trouve-t-on des moustiquaires? Dans une boutique de plein air, style Mountain Co-op ou l'Aventurier. À Estélie, on oublie ça, la randonnée pédestre et le plein air ici, c'est pas très connu, et avec raison, là, on ne marche pas ici par choix, mais pour survivre. Je me suis donc arrêtée dans une tienda, c'est-à-dire un magasin où on peut trouver de tout. Celle-là était plutôt spécialisée dans les casseroles et moules à muffins. J'ai demandé au propriétaire là, où je pouvais trouver ce fameux filet de survie, à la vendeuse de chaussures au coin de la rue. Chaussures, moustiquaires, je n'aurais jamais deviné. Sur place, le modèle ne me plaisait pas et je n'avais pas assez d'argent sur moi. Je suis retournée à la maison pour enflouer le portefeuille et j'ai poursuivi ma quête. Instinctivement, j'ai trouvé une autre vendeuse de chaussures. Bingo! Le moustiquaire fait l'affaire. 150 cortobasses plus tard, ou 8 $ américains, je demande à la vendeuse un crochet et de la ficelle pour fixer le moustiquaire au plafond. Non, pas ici. Il faudra que je me rende à une ferreteria où l'on vend des produits à base de fer ou de métaux. Par chez nous, une quincaillerie. Mais laquelle? Sur un même coin de rue, il y en a deux. Et je vous mens pas, certaines ont des crochets, des vis, des clous et d'autres pas. Je suis bien tombée, la jeune fille de 13 ans au comptoir me propose deux modèles. Et pour la ficelle maintenant? Pas dans une quincaillerie. Non, ici c'est le métal et le fer. Alors, où dois-je me rendre? La préposée me dit qu'il y a une pulperia, un autre terme pour désigner le magasin général, qui vend de la corde en plastique. Je prends mon sac de moustiquaires et de crochets sous le bras et je vais vers le commerce en question. Il ressemble à un dépanneur du coin qui vend barres de chocolat et biscuits secs. Pourquoi il tient dans son inventaire de la corde en plastique et pas la pulperia voisine? J'en sais rien. Comprenez-moi, je ne veux pas faire l'éloge du Walmart. Il y en a un à Estélie et je n'aurais pas trouvé ce que je cherchais. Ici, on va au Walmart pour fruits, légumes et viande frais. Pour les produits secs comme la farine ou les produits laitiers comme le cheddar orange, il faut aller à l'épicerie Las Segovias. Pour les pâtes à pizza et les baguettes, c'est le El Logar, de l'autre côté de la ville. Elles sont disponibles à tous les deuxièmes lundis du mois. Vous me suivez? Un casse-tête pour le consommateur, mais de l'emploi pour plusieurs. Voilà ce que j'ai compris du commerce au détail en pays de développement. Le nombre de tiendas, ferreterias et pulperias importe peu. Elles ont chacune leurs produits et je dirais même leur personnalité. Je pense qu'ils s'entendent entre propriétaires pour s'assurer un monopole sur certains produits. Toi, tu vendras les pièces Black & Deckers, mais le duct tape, c'est à moi. Pour le consommateur habitué au magasin grande surface, c'est peut-être frustrant. Mais pour le Nicaraguayen moyen, c'est un mode de vie. On ne marche pas beaucoup ici par choix, mais pour survivre.